9h45. Live à Radio-X.com. Moi, donc, juste à dire, cette année, je mets pas de petit Jésus dans ma crèche. Moi, cette année, je mets un petit Gabriel Nadeau-Dubois. L'enfant Dieu sera devant le tribunal ce matin. Oui, l'enfant Dieu est bel et bien vivant. L'enfant Dieu est en ville et on se prosterne, mesdames, messieurs. Vous êtes dans Morel Live. Morel Live. Radio X. Moi, ce site-là, je le fréquente depuis très longtemps. Je le fréquente depuis avant les événements du printemps dernier. Et à chaque fois, les bras me tombent de voir à quel point l'AC est un mouvement extrémiste de gauche, mais de très, très, très, très, très de gauche. Anarchiste à la limite. D'ailleurs, il n'y a pas une seule loi. Moi, ça me surprend que Gabriel Nadeau-Dubois aille en cours pour défendre une question de droit, parce que ces gens-là ne croient pas à la loi. Exactement, exactement. Juste petite parenthèse, moi, j'ai été blâmé au conseil de presse parce que j'avais écrit que c'était des communistes anarchistes, man, toi. Sauf que le conseil de presse, c'est sûr que certains diront qu'ils sont en mission contre Québécois et contre Radio X, là. Mais une chose est sûre, j'étais blâmé pour ça. Alors, ben oui, c'est des grands capitalistes. Ce sont des grands capitalistes. Ouais, et bien sûr, de dire que ces gens-là ne reconnaissent pas le tribunal, c'est effectivement le cas. Et je vois ce manque de respect-là, si tu me permets de digresser un peu, si tu me permets de faire une petite courbe. La gang à Guillaume Lepage, et de tout le monde en parle, ne respecte aucunement le tribunal, comme l'AC, en invitant Nadeau-Dubois et Maurras. Finalement, ça n'aura pas lieu, mais c'est un manque de respect total à l'endroit du tribunal qui n'a pas encore entendu les représentations sur sentence qui doivent d'ailleurs se dérouler ce matin à Québec. C'est un manque de respect total. C'est un manque de respect. C'est peut-être aussi beaucoup d'ignorance. Moi, je pense qu'il y a une bonne dose de ça. Oui. Mais moi, il n'y a plus rien qui me surprend de toute façon depuis le passage de Zambito puis de Dumont. Et quand j'ai entendu Guillaume Lepage dire à la radio « Le monde qui aime pas ça, j'en ai rien à torcher. » Il a dit ça. Un show payé par nos taxes. C'était pour le passage de Zambito, ça. Exactement, tout le monde en parle. Et il a dit, est-ce que vous avez pas peur qu'il y ait des auditeurs qui aient été froissés, qu'on l'ait ovationné? Dis-moi, est-ce que les gens pensent de mon show? J'en ai rien à torcher. Ah, exactement. Et je cite. Alors, quand tu as ce regard-là sur ton public, on peut s'attendre à n'importe quoi. Exact.